j'ai mon CPU qui il est trop speed justement mon CPU. Ah non là ça va 10%. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? 130. Thank you. Thank you.

2, 3. Thank you. Je me rappelle plus où est-ce qu'il faut jouer ce truc. Merde, je suis en mèche 2. Arrêter. La batterie. Il y a Sharon qui prend la basse. Allez, prends la basse. Ciao.